Donc ici, il a abordé un point extrêmement important qui est quelles sont les adorations les plus méritoires? Les gens ont divergé par rapport à ce sujet selon quatre avis. Et il n'y a pas de contradiction entre les quatre avis. Mais chacun a vu la chose d'un côté qui correspond à sa personne. Et nous allons voir que ce qui est juste, c'est le quatrième avis qui a vu la chose de tous les points de vue. Donc les premiers, donc ils ont parlé de quelles sont les adorations les plus méritoires et les plus profitables pour le serviteur auquel il doit accorder le maximum d'intérêt et qui doivent être les plus prioritaires dans sa pratique. Les premiers ont dit les adorations les plus profitables et les plus bénéfiques pour le serviteur et qui sont les meilleures, ce sont les adorations les plus difficiles et les plus pénibles pour les âmes. Car dans les choses qui sont difficiles pour l'âme, il y a un éloignement du suivi de la passion. L'âme aime ce qui est facile pour elle. Et ça, c'est pas faux. L'âme aime ce qui est facile. C'est pour ça l'âme n'aime pas la sincérité. C'est une chose très difficile pour l'âme. D'œuvrer uniquement pour Allah. Et non pas pour les compliments, pour le respect, pour l'admiration, pour les intérêts. Ça, c'est quelque chose de très difficile pour l'âme. Donc, ils ont dit les adorations les plus méritoires, ce sont les adorations les plus difficiles. Car la récompense est proportionnelle à la difficulté. Le deuxième avis, ils ont dit les adorations les plus méritoires et les plus bénéfiques, c'est le délaissement de dunya, l'ascétisme, et de se limiter à un minimum de cette dunya, et de l'abandonner, et de ne pas lui accorder d'intérêt. Juste le minimum qui te suffit pour continuer sur ta voie jusqu'à rencontrer Allah. Et ça, c'est pas faux non plus. Ça, c'est parmi les meilleures choses. C'est que cette dunya n'ait pas plus d'importance dans ton cœur que son statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, on sait quelle est la valeur de cette dunya auprès d'Allah. Elle ne vaut pas l'aile d'un moustique. Elle ne vaut pas l'aile d'un moustique. Ça, c'est la valeur de cette dunya. Cette dunya est maudite avec tout ce qu'elle contient, excepté ce qui rapproche d'Allah. Donc ça, c'est la valeur de cette dunya. Quelle est la valeur de dunya dans ton cœur? Quelle est la place qu'elle occupe? Tawhid, c'est d'être en accord avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Le troisième avis, ils ont dit, les meilleures des adorations et les adorations les plus méritoires et les plus profitables pour le serviteur, c'est les adorations dans lesquelles il y a un profit pour autrui. Ils ont dit que les adorations qui ont un profit pour autrui sont meilleures que les adorations dont le profit est limité au serviteur lui-même. C'est pour ça qu'ils voient, les gens de cet avis, ils voient que être au service des musulmans, s'occuper de leurs affaires, les aider avec l'argent, avec le statut, avec toutes les formes d'aide possibles, ils ont vu que ça, c'est la meilleure chose et ce qui rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont basés sur des dalils. Chaque avis a des dalils. Mais en résumé, j'essaie de vous donner la pulpe. La pulpe, al-qalb. C'est pour ça qu'on appelle qalb al-qalb, car il est la pulpe de l'homme. Ça, c'est une faïda qui me vient entre parenthèses. Ils ont dit que ce qui est profitable pour autrui est meilleur que ce qui est profitable uniquement pour la personne elle-même. Et ça, c'est pas faux non plus. Lakin, c'est pas tout ça, c'est pas faux, mais c'est pas d'une manière absolue. Car si on suit cet avis, salat est inférieur dans le mérite à zakat. Zakat est profitable pour autrui. Salat est profitable pour le serviteur lui-même. Et tous, on sait que salat est meilleur. Donc, dans ce hadith, dans cet avis, il y a une vérité. Et chacun des trois a perçu la chose d'un point de vue, d'un seul point de vue, qui est vrai. Mais aucun des trois avis n'a eu une vision globale. Et ils ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Ali radiyallahu anhu, la ayyahdi Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humrin na'am. Qu'Allah te guide par ta cause un seul homme, ceci est meilleur pour toi que les chamelles rousses, que les meilleurs biens de ce bas monde. Et ad-da'wa et être la cause de la guidée des gens, ça, c'est quelque chose dont le profit qui est profitable à autrui. Le quatrième avis que l'imam Ibn al-Qayyim a cité, ils ont dit que les adorations les plus méritoires et ce qui est le plus méritoire pour le serviteur, c'est d'œuvrer dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala selon chaque moment et selon chaque instant. Il n'y a pas une adoration qui est meilleure tout le temps. C'est selon les circonstances, selon le contexte, selon le temps, selon le lieu. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent. Mais la meilleure adoration, c'est l'adoration qui satisfait le plus Allah subhanahu wa ta'ala et qui est la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala à un moment T, à un instant T. C'est ce qu'ils appellent l'adoration ibadatul waqt, l'adoration spécifique à ce temps précis. Car il y a des adorations qui sont légiférées à tout moment. Et il y a des adorations qui sont légiférées dans un temps précis. En résumé, faire l'adoration qui est légiférée un temps précis est meilleur que de s'occuper avec des adorations que tu peux faire tout le temps.